Vous êtes journaliste sur une chaîne d'infos en continu et vous vous demandez s'il faut relayer les rumeurs d'une prise d'otage sur votre antenne pour faire monter l'audience. Vous hésitez à interviewer cet enfant dont les parents viennent de mourir sous ses yeux. Ne vous précipitez pas. Utilisez le nouveau Fepalcon 300. Grâce à sa molécule anticoagulante de pugadisme actif, un seul comprimé de Fepalcon 300 bloque la zone de la connerie de votre cerveau et repasse votre idée stupide trois fois dans la zone de l'intelligence, vous évitant ainsi de faire n'importe quoi. Avec Fepalcon 300, c'est l'assurance de tenir 3 heures d'antenne d'affilée sans déraper. Fepalcon 300 pour des éditions spéciales réussies. Fepalcon 300 est un médicament des laboratoires Laron. Ça va pas la tête ?